A beat on the beat. Sanglante place de grève, les guillotines servent à tuer. Reconduire l'homme perdu dans la gadoue, on s'enfile dépassé. Bourreau meurtrier, barbare poussif, roussi, l'image garde chasse, prude la jambe et le pied. Rien à redire, patauge asthmatique, tu vas crever. Des contractes constantes à la hache, nous on parle fascisme, c'est pas cher, la salive effective, une escouade et des filles barbelées. L'armée du rage doit s'endormir tranquille au miche des colosses, pensionnaires, pensionnats de jeunes filles fâchées, flattées. La palissade à revendre au marché des gamelles, délateurs venimeux, maladroit, cinquième plan raté, on s'était pourtant déguisé. Tout le temps pareil pour être reconnu, sphinx immature, gamberge perché, surgir de l'ombre, gambade, la bébête inhibée. V'là la louche de suppositoire, nicotine, impossible de se bourrer la bite, de prendre date de bourgeois sans remords, de préniche, de prépuce déchiré, déchiré des culs assez fermes, baratin de blondasse véritable, véritable allongée, c'est la merde, gymnastis, armistice, angélique, prostatique, qui déguste méchant pour la thune, alliance cloche de crève, les guillotines servent à tuer, sanglante place de crève, les guillotines servent à tuer, sanglante place de crève, les guillotines servent à tuer, sanglante place de crève, les guillotines servent à tuer, sanglante place de crève, les guillotines servent à tuer, sanglante place de crève, les guillotines servent à tuer, sanglante place de crève, les guillotines servent à tuer, sanglante place de crève, les guillotines servent à tuer, sanglante place de crève, les guillotines servent à tuer, des contracts constants à la hache, on parle fasciste, c'est pas cher, la salive effective, une escouade et des filles barbelées. Systèmes alentours, on consomme les macrins. Des contracts constants à la hache, on parle fasciste, c'est pas cher, la salive effective, une escouade et des filles barbelées. Systèmes alentours, on consomme les macrins. Des contracts constants à la hache, on parle fasciste, c'est pas cher, la salive effective, une escouade et des filles barbelées. Systèmes alentours, on consomme les maquis. On consomme les maquis, on consomme les maquis, on consomme les maquis. Sanglante place de crève, les guillotines servent à tuer. Sanglante place de crève, les guillotines. Marabout de ficelle, celle de cheval, de course à pied. Pied à terre, de feu, de feu, de feu, de feu, follet, de vache. Vache de fer, ferme ta boîte, boîte à clous, clou pointu. Tu m'embêtes à bête, à bon Dieu, qui fait chocolat glacé. C'est trop dur pour moi, moi j'en ai marre. À bout de ficelle, de cheval, de course à terre, de feu, follet. Les deux vaches, vache de ferme, ferme ta boîte à clous, clou pointu. M'embêtes à bon Dieu, qui fait chocolat glacé. L'objectif du tocard, logique, musique rare, plâtre, retard. Cher le boulot du grouillot, griot en ruelle héroïque. Confection synthétique, bricheton, brichetard, patriote en classe S. Pense le danger, la paluche de Gauloise, mais l'alerte s'envole, humide reste ouverte. Paille ta terre, courant d'air, asthmatique, vas-y, tue-le. Tocard, logique, musique rare, plâtre, retard, mes chers, le boulot du grouillot. Crio en ruelle héroïque, confection synthétique. Bricheton, brichetard, patriote en classe S. Pense le danger, la paluche de Gauloise, mais l'alerte s'envole, humide reste ouverte, paille ta terre, courant d'air, asthmatique. Vas-y, tue-le, des contractes constantes à la hache. Nous on parle fasciste, c'est pas cher, la salive effective, une escouade et des filles barbelées. Pour rejoindre l'armée, installer une misogyne dans ma tronche d'abondance en cagnotte, cagnotte d'autorité. Autorité publique, héros de torture physique. Systèmes alentours, on consomme les maquis. Sous vocation de braqueuse adéquate, adéquate, mitraillette, barillée, mastar, modèle 937, alpagué, la braguette. La musette, la moustache du bidas, tant curieuse, la bonne paire d'ordre qui travaille à quelconque attentat. Généreux général, on sera réduit, réduit en concentré d'esclavage, déserteur embrigadé sur la brèche. Mutation, guérilla, romantique, historique, à rebours des CA. Flaque et legging doré, sucré, un candy de bar qui doit servir l'armée. L'armée du Reich qui doit s'endormir tranquille au miche des colosses. Colosses, pensionnaires, pensionnats, pensionnats de jeunes filles fâchées, flattées, la passe lissade à revendre au marché. marché des gamelles, délateur venimeux, maladroit, cinquième plan raté. On s'était pourtant déguisé tout le temps pareil pour être reconnu. Sphinx immature, gamberge perché, surgir de l'ombre, gambade, la bébête inhibée, bla la louche de suppositoire, nicotine, impossible de se bourrer la bite, de brandade, de bourgeois, sans remords, de prémices, de prépuces, déchirer des culs assez fermes, par atteint de blondasse, blondasse, véritable allongée, c'est la merde, dynastis, armistice, angélique prostatique qui déguste méchant pour la thune.